Caramel. Émission un peu particulière ce soir, elle sera raccourcie d'une dizaine de minutes parce qu'à partir de 19h pétante, vous avez rendez-vous, auditeurs fidèles de Campus FM, avec Radiophonie. Une émission spéciale, c'est la 9e ce soir, en public et en direct du Centre culturel Bellegarde. Vous êtes largement invités à rejoindre l'équipe de ce soir dans ce centre culturel, pas très loin de Saint-Cernin. L'équipe de ce soir, c'est celle de Perforation, l'émission radio de la Cinémathèque de Toulouse qui régulièrement, un lundi sur deux à 17h30 raconte un peu le cinéma et ce soir c'est surtout notre bon professeur Thibault qui animera cette soirée au Centre culturel Bellegarde autour de la question essentielle: faut-il enseigner le cinéma? On n'est pas arrivé. Enfin, table ronde, débats qui seront ensuite suivis d'un concert lui aussi diffusé en direct sur Campus FM, concert du trio rock My Imaginary Loves. Raison de plus d'aller ce soir faire un petit tour au Centre culturel Bellegarde dès 19h, ce qui explique qu'à 18h50, nous aurons laissé l'antenne. Allez, salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, 34e et dernière saison, réalisée par Valentin Jiquel. Ce soir, on parle des nuits du slam qui auront lieu à Toulouse du 11 mars au 1er avril, avec en clôture un concert de Rossé le 1er avril au Rex. On parle aussi de Kanazoé Orchestra avec Sidou Diabaté, joueur de balafon et leader de ce groupe, mixant avec bonheur musique mandingue et sonorités plus urbaines. Également présent dans ce studio pour parler de l'aventure de ce groupe, Laurent Planès, le batteur de cette formation et musicien toulousain bien connu de ce côté-ci de la Garonne. Mais on va commencer tout de suite par la nouveauté de la semaine et c'est bien aujourd'hui et non pas comme j'ai pu le répéter à l'envi la semaine dernière que sort le premier album et le premier EP de Inuit. Inuit, quartet à la musique évoluant entre onirisme poétique et rythmique frénétique, voix puissante jouant une espèce de ping-pong étourdissant et trance sauvage. Inuit, deux voix, un batteur et une claire qui fête ce soir à 21h au Taquin ce EP Murmuration dont on écoute Illico Primitive. C'est Caramel Mou et c'est un mieux. Qu'est-ce que c'est ? Caramel mou. Et ça ? Qu'est-ce que c'est ? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon ? Oui, toujours Campus FM, c'est l'émission Caramel Mou, Joe Kangourou devant le micro. Et on commence cette session raccourcie avec des musiciens du groupe Kanazoé. Kanazoé Orchestra, normalement je pense que vous êtes sept sur scène, Sédou Diabaté, c'est ça hein ? C'est ça. Donc il n'y en a que trois qui sont autour de cette table. Sédou Diabaté, le leader de ce groupe, joueur de balafon. Mandou Benbélé, également joueur de balafon, mais de kora également sur scène. Et puis le batteur de la formation qui interviendra tout à l'heure, mais on va peut-être un peu s'attacher à la création de ce groupe et surtout aux instruments qu'il permet d'écouter, les balafons. Peut-être, Sédou Diabaté, commencez un peu par votre histoire. Vous faites partie d'une famille de musiciens, j'allais dire musiciens professionnels. C'est des gens qui vivaient quand même de la musique, la classe des griots. Vous êtes issus d'une famille de griots. Oui. Et la légende veut qu'à partir de 5 ans, vous ayez commencé à jouer de votre instrument. Voilà, c'est ça. J'ai commencé à 5 ans parce que mon père avait besoin de moi. Parce que là-bas, normalement, on joue un balafon à 3 personnes. Donc, du coup, mon papa, il a pas eu la chance pour avoir un enfant vraiment très vite. Donc, c'était moi, le seul garçon. Je suis né à l'âge de 5 ans. J'étais obligé, voilà. Moi, c'était pas le plaisir, c'était obligatoire. Vraiment pour l'aider à jouer le balafon depuis l'âge de 5 ans. En Afrique, les griots et la musique rythment la vie quotidienne. Là aussi, la légende veut que dès que vous ayez commencé à tenir les maillotches, vous soyez allé dans les champs pour jouer de la musique pour les gens qui travaillaient les champs et pendant les récoltes. Mais c'est vrai que c'est une tradition et c'est une culture musicale qui est ancrée dans la vie quotidienne. Oui. Tous les moments de la vie sont célébrés à musique. Oui, c'est parce qu'on est là-bas avant, il n'y avait pas les machines, tu vois, en Afrique, il n'y avait pas les produits pour mettre, tu vois, c'était les gens, ils travaillaient vraiment dans les champs, donc du coup, pour les encourager, il faut les balafons, c'est ça, s'il y a la musique, du coup, tu fais les nuances pour eux, pour dire voilà, vous êtes fort, vous êtes comme ça, ça les donne le courage vraiment pour bien travailler, donc. La musique, c'est vraiment très important là-bas, surtout les balafons, surtout où je suis né. En tout cas, les balafons, c'était vraiment un instrument. C'était vraiment important pour tout le monde là-bas. En fait. Donc, vous êtes né au Burkina Faso. Oui. Ça fait quoi pour un gamin de 5, 6, 7 ans, 8 ans d'être obligé d'aller jouer aux cérémonies, d'aller jouer pendant que les gens travaillent dans les champs, d'aller jouer dans plein de moments comme ça de la vie quotidienne, alors que les copains, ils se tapent le ballon, ils jouent au foot, ils font trap-trap, ils vont pêcher, ils jouent toute la journée. Oui. Ça fait quoi pour un enfant de 5-6 ans de voir les copains jouer et là d'être obligé d'apprendre l'instrument? Oui, ça fait quoi? Bon, le moment, moi, ça faisait dur pour moi. Je trouvais comme si mon papa, il était un peu dur avec moi. Mais jusqu'à maintenant, c'est là que j'ai compris. En fait, c'était pas ça. Il voulait aussi me donner une autre image pour. Il voulait me donner une autre, comment on dit ça, éducation pour vraiment. On n'est pas là pour s'amuser, il faut commencer à travailler vraiment pour la famille. Et puis je n'ai pas eu la chance, mon père n'est pas duré avec moi. Par exemple, s'il ne m'avait pas vraiment commencé à me donner les courage comme ça pour travailler, peut-être aujourd'hui je ne serais même pas en France. Tu vois, quand même aujourd'hui, au début c'était dur pour moi pour dire « Ah vraiment mon père il est difficile avec moi ». Mais aujourd'hui je suis content, je suis devant vous, je suis à Toulouse. Quand même sans les balafons, je n'ai pas allé à l'école, je vais venir faire quoi à France ici ouais. Tu vois Et vous avez perdu votre père très, très jeune, ce qui vous a obligé aussi de jouer encore plus pour aider la famille. Oui. La place du griot dans la société de l'Ouest de l'Afrique, c'est laquelle ? C'est une place quand même importante ? Bien sûr, c'est vraiment une place importante parce que c'est nous les messageries, tu vois, c'est nous on donne les messages. Vous faites passer les informations. Ouais, les informations. Avant, il y avait pas ça là. Comme aujourd'hui, tout le monde m'entend. En Afrique, il y avait pas ça. C'était les griots, ils passaient les messages. Donc du coup, c'était nous les messageries. S'il y a un problème, c'est les griots, ils vont aller régler ces problèmes. S'il y a quelqu'un qui va se marier, par exemple, toi, tu vas te marier, tu dis bon. Moi, ça, c'est mon griot, je t'envoie, et il va aller voir la famille. Tout ça, là, c'était les griots, ils faisaient tout ça. C'est une sorte de médiateur. C'est ça, le médiateur. Ah, c'est ça, voilà. Parlons un peu de votre instrument et de vos instruments, là, le balafon. C'est, bon, ici, on connaît le vibraphone, qui est à peu près le même style d'instrument, sauf que c'est des lames métalliques. Parlez-nous un peu de cet instrument. D'où vient-il et j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas qu'un balafon. C'était comme les violons en Europe, il y en a 5, 6, 7 différents. Parlez-nous un peu de cet instrument. Il est composé de quoi ? Ouais, donc, pour ça, je vais laisser à mon... Mon frère, il va expliquer un peu ça et puis moi j'arrive. Madou Bembélé. Les Français, c'est difficile. Madou Bembélé, ouais, deux, trois mots sur cet instrument, dans le balafon. Oui, c'est vrai que déjà au Burkina Faso, il y a 67 langues. Donc, au Burkina, donc pour les joueurs du balafon, il y a à peu près 5 sortes de balafons. Il y a le balafon Sambla, qui est vraiment l'ethnie aussi du Kanazoé. Et il y a le balafon Boaba, qui est mon ethnie à moi. Il y a le balafon Scorpion, qui est joué par les Dagari, les Lobby. Donc, il y a 5 sortes de balafons différents au Burkina. Ouais. Ils se différencient par quoi ? Par la forme, par leur tonalité, par l'étendue de leur gamme ? Par la forme, par la tonalité également. Parce que, par exemple, chez les Kanazoé, il va vous le dire, c'est un balafon qui est vraiment spécial, qui est vraiment hors pair des autres. Parce qu'à travers leur balafon, ils arrivent à communiquer sans ouvrir la bouche. On a juste quelques notes. La dernière fois, il m'a impressionné avec ça. Il était au téléphone et on était en train de répéter. Donc, il était avec un de ses frères. Donc, il jouait les lames comme ça et son frère répondait au téléphone en même temps. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... C'est une musique de code. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a plusieurs balafons au Burkina et vraiment, le balafon Sambla, c'est... Ça fait vraiment partie, quoi. Et ça représente beaucoup aussi le Burkina Faso en Europe. C'est vraiment l'instrument emblématique du Burkina et de toute cette partie de l'Afrique, de l'Ouest de l'Afrique, le balafon. En tout cas, au Burkina, il y a plusieurs ethnies qui jouent différemment. Et en tout cas, chez nous, il y a beaucoup... Le balafon, il est vraiment au centre, quoi. Tu vois, même là-bas, c'est tous les... Avant, pourtant, les autres pays, c'est les... Balafon, il accompagne les gens. Pourtant, au Burkina, c'est les balafons qui vont accompagner. Ouais, ouais. Comment on dit ça ? Il va accompagner. Oui, mais c'est le balafon est au centre et les autres instruments accompagnent le balafon. C'est ça, Au Mali, c'est plutôt, par exemple, la kora et le balafon est un soutien de la kora. C'est ça, le soutien de kora. Il joue aussi pour accompagner les chanteurs. Mais pourtant, comme il a dit, mon ethnique, Kessamla, on joue dans un balafon à trois personnes. Ça veut dire, moi, j'ai commencé en envers. Après, le moment où j'ai grandi un peu, j'ai commencé ici. Là, ça, c'est les solos. Ah ouais, d'accord. Donc, les solistes, lui, il part. Il n'y a pas de sanction. Lui, il part vraiment, comme j'ai en train de te parler en français, à mon dialecte, on part tout. Tout on dit, ça dit, même si la personne, il est où, ça suffit seulement, il entend les balafons. Il sait que si tu es en train, tous les nuances, tu peux tout dire avec le balafon. Et cette partie qui est laissée au soliste, c'est les parties les plus aiguës du balafon. Voilà, c'est les plus aiguës, ouais. C'est les plus aiguës, dont lui, il est là, il fait un peu les rythmes. En même temps, il part beaucoup, il fait un peu les rythmes. Lui, il est là seulement Pour faire le solo. Pour faire les solos. Pour balancer le message. Voilà. Et les deux autres s'occupent de la rythmique. Voilà, nous, une équipe ici, là, nous, on est là pour... Ouais. pour balancer le rythme pendant que le soliste envoie le message qu'il veut faire passer. C'est ça. Oui, c'est vrai que la façon dont on voit le balafon, nous, en Europe, et puis il y a eu des joueurs de balafon, même à Toulouse. Il y avait une formation qui s'appelait Drum Pact dans les années 80-90, avec un joueur de balafon qui s'appelait Gerd Kulian, un Allemand qui était venu s'installer à Toulouse. Et effectivement, il était tout seul devant son balafon. Oui. J'ai jamais vu jouer des balafons à trois. Oui. Sur scène, vous jouez aussi le balafon chacun de votre côté. On a des balafons en tout cas. Que ce soit vous, Kanazoé ou Madou, vous êtes de chaque côté de la scène avec vos balafons. Oui, on a quatre balafons même sur scène. Ah. Quatre balafons sur scène. Voilà, il a accordé différemment. Ah. Il y a diatonique, il y a pentatonique, c'est comme les pianos, les tous noirs, tous blancs. Ah. Mais on les joue différemment. Ouais. Tu vois, si on a les diatoniques, on joue différemment. S'il y a les pentas, ça, on les joue aussi différemment. Ah. C'est pas la même façon de jouer, ouais, c'est pas la même énergie. Et c'est pas la même façon d'attaquer les lames. C'est ça. Donc, on le disait en début d'interview, Sédou Diabaté, vous avez commencé à apprendre le balafon à l'âge de 5 ans. Oui. Vous avez continué votre apprentissage. Après, vous partez en ville pour le continuer. Dans quelles conditions vous arrivez en France? Et quelles conditions j'ai bien galéré avant de venir en France, ouais, en tout cas. Oui, ouais, c'est pas une nouveauté, c'est pas une information de dire que pour arriver en France, c'est un peu compliqué. C'est ça. Donc, en fait, on avait un groupe là-bas et mon patron, il s'appelait Zoumana Damélé. Donc, j'ai joué dans ces formations, comme on dit ça. Ces formations. Voilà. Donc, du coup, c'est là qu'il a eu le contrat. Pour venir jouer en Europe. Voilà, pour venir faire les tournées en Europe. C'est ça, j'ai fait mon premier voyage. J'ai atterri à Paris. Ah, voilà, c'est là que j'ai compris. J'ai dit, ouh, là, c'est compliqué. C'est pas la même chose. Voilà, donc voilà, ça, c'était mon premier voyage. C'était en quelle année? 2007. Ah. C'était en 2007. Ah. Voilà. Et vous êtes installé vraiment en France 6 ans plus tard, en 2013? Voilà, non, j'ai installé en 2010. En 2010. 2010, mais tous les 2 ans là, j'ai fait ici. Je cherchais les musiciens toulousains. Pourquoi Toulouse? Pourquoi Toulouse? J'ai trouvé, c'est ça, j'ai attiré à Paris. C'était trop pour moi. Ah ouais. J'ai arrivé à Toulouse, les gens ils sont calmes, ils sont ça va, ça passe bien. J'ai dit ça me va faire. Bien. Non, aussi, j'ai trouvé l'amour ici, un enfant. Ça, c'est une bonne raison. Ah, ouais. Voilà, donc, tu vois. Et dans quelles conditions, Laurent Planès, vous avez rencontré Kanazoé? Alors, moi, j'ai été présenté par Martin, qui est donc le saxophoniste du groupe. Et on jouait ensemble avec un Malien qui s'appelle Yaya Dembélé. Donc, on s'est connus avec Martin dans ce projet. Et voilà, on a fait de la musique ensemble. Et Kanazoé a rencontré Martin. Moi, j'étais peut-être en Afrique où je venais de rentrer à ce moment-là. Et un jour, Martin m'a appelé, il m'a dit, je joue avec un balafoniste. C'est super, il est super fort, c'est vraiment intéressant. Il va le rencontrer, écoute un peu. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Moi, je suis arrivé en cours de route, quoi. Le groupe existait déjà. Et il n'y avait pas de batteur. Il y avait un percussionniste à ce moment-là, juste. Et il avait envie de rajouter une batterie. Et il habitait à côté de chez moi aussi. Donc, ça, c'est, ouais, on a bu un café à Saint-Agne et puis c'est parti. Quoi. C'était il y a un peu plus de 10 ans. C'est ça, c'était à Saint-Agne, ouais, c'est vrai. Oui, puisque Kanazoé, c'est un groupe, Kanazoé Orchestra, c'est une formation qui existe depuis une douzaine d'années à peu près. Oui. Ah, c'est ça. C'est ça. C'était quoi votre projet de départ? C'était d'axer vraiment la musique sur la musique traditionnelle africaine et de montrer la richesse de cette tradition-là, ou c'était déjà de mélanger cette tradition avec de la musique nettement plus urbaine et nettement plus électrique? C'est ça. Formidable. C'est ça. C'est ça. J'ai cherché, c'est tout. Ouais. Sinon, si c'était la musique traditionnelle, je cherchais vraiment. C'était pas forcément, je vais chercher les artistes européens de Toulouse ici. Mais c'est ça, moi, depuis au départ, j'aime les partages, j'aime les mélanges. Donc du coup, c'est ça, j'ai cherché vraiment. Moi, j'ai attendu la musique africaine, moi j'ai appris ça, mais je voulais sortir de ça un peu pour essayer d'entendre aussi autre chose. Donc c'était ça mon richesse en fait, voilà. Donc, on va écouter tout à l'heure en fin d'interview un morceau qui s'appelle Folie Caddie, qui est extrait d'un album qui est sorti à l'automne dernier, qui a également comme nom Folie Caddie. Par exemple, on entend bon, de la musique traditionnelle, on entend vraiment le son du balafon tel qu'on peut l'entendre au Burkina, mais on entend aussi des traces d'afrobeat dans ce style qui vient plutôt du Nigeria. Et puis on entend du jazz rock, j'allais dire, c'est un peu ce style qui est amené par la flûte, par le sax, par la basse électrique. C'est vrai que ça fait un mélange qui a été tenté plein de fois depuis que la musique africaine a investi les studios parisiens, puisque c'est aussi par Paris que la musique africaine avec les Salif Keïta, les Youssou N'Dour, les Touré Kounda, on vient d'apprendre la mort d'un des frères Touré il y a pas très longtemps, les Touré Kounda au début des années 80, c'est par Paris que cette musique africaine est arrivée. C'est vrai qu'il y a eu plein de mélanges qui se sont faits entre les musiques traditionnelles et l'électricité. Le vôtre n'est pas pesant, alors qu'on a vu quand même des mélanges qui le, ça le faisait pas. C'était assez indigeste comme sauce. C'est vrai que le vôtre est assez léger, reste très énergique et basé sur une pulsion de percussion, où on se dit que le balafon, c'est quand même un instrument de percussion et pas qu'un instrument mélodique. Ouais. Et vous le jouez aussi comme ça, non? Le balafon, d'abord la percussion et après la mélodie. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous êtes formidable, vous me contredisez jamais, non, revenez quand vous voulez. Non, je me suis un peu perdu sur la route, mais je pense que Laurent, il a bien capté, donc je vais le laisser parler. Je me suis perdu sur la route, ah, celle-là je la garde. Non, mais là il faut la garder, celle-là parce que la garde. Je ne le dis pas tout le temps. Oui, Laurent. Bah ouais, en fait, le cœur de la musique, c'est, comme il te l'a dit, Kanazoé, il pense le balafon à plusieurs. Donc c'est ce mélange, en fait, cette rythmique. Et lui-même, si j'ai bien compris depuis le temps qu'on se connaît, la manière dont il crée la musique, il la crée avant tout avec cette rythmique, en fait, de balafon. Alors il y a aussi les riffs, il y a aussi ces choses-là, mais c'est pas comme un groupe où on va avoir un chanteur qui est en avant et où ça va être plus la mélodie, ou un autre instrumentiste comme, je sais pas, un flûtiste par exemple qui va écrire des compositions et qui va penser mélodie en premier. Là, ce qui est en premier, c'est la tourne, quoi. C'est la tourne, c'est ce truc-là, le cœur, quoi. C'est les percussions, la batterie et les balafons. C'est surtout le balafon accompagnement et le balafon de Sédou, quoi. Les deux balafons de Madou et Sédou, c'est ça qui crée le c'est le noyau de la musique. Et la basse, la batterie, nous on vient se coller à ce que joue Madou, à ce que joue le balafon accompagnement, qui est vraiment, c'est vraiment au centre du projet. Et c'est pas tous les balafons, hein, comme ils t'ont expliqué. C'est vraiment la manière de composer de Sédou, c'est de chez lui, parce qu'il y a plein de balafonistes qui ont des projets où ils sont tout seuls, comme tu disais, Gert, et puis de nombreux qui viennent d'Afrique. Là, voilà, le cœur, c'est ça, quoi. C'est le mélange de ces deux balafons. Donc déjà, ça fait un truc qui est hyper dense, hyper énergique, hyper rythmé, quoi. Les compositions, ça se passe comment? C'est un travail collectif ou c'est d'abord vous qui amenez les compositions et elles sont retravaillées avec l'ensemble du groupe? C'est ça. C'est d'abord, moi, j'amène les idées. Voilà, moi, j'essaie de composer, c'est moi. Après, j'envoie, après, maintenant... C'est ensemble maintenant. Des fois, je peux amener un truc. Au final, ça change tout. Voilà. Voilà. Et moi, je suis ouvert à tout. Tu vois, je suis ouvert. Je ne reste pas aussi bloqué. Mais en tout cas, c'est moi d'abord. Voilà. Et les influences, elles restent marquées sur la musique traditionnelle? Oui, je peux dire comme ça. Ouais, parce que moi, je suis baigné dedans. Tu vois. Je peux dire. Là, après, avec les autres. Et ils amènent aussi autrement, c'est ça, ça fait aussi, ça peut changer, quoi. Voilà. Et après, le changement et l'évolution, c'est le reste du groupe qui amène un peu leur touche. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Donc là, vous êtes actuellement en tournée. Vous êtes en train un peu de montrer cet album avec une série de mini-concerts que vous organisez un peu partout. Il va y en avoir un, à Toulouse lundi, au Taquin. On va en parler dans deux minutes. Il y en a pour les Toulousains, enfin les gens de Toulouse et de l'agglomération. On pourra vous voir le 21 juin à Tournefeuille dans le cadre de la fête de la musique. Vous jouerez à Tournefeuille ce soir-là. Le concert du Taquin, c'est quoi ? C'est faire écouter la musique à un public qui va être un peu privilégié, puisque c'est un concert sur invitation. Je vais en profiter pour dire qu'il y a 4 places à gagner ce soir si vous téléphonez tout de suite au 09 53 83 76 09. Donc 4 places à gagner pour ce concert du Canazoé Orchestra au Taquin. Ça se passe ce lundi à partir de 19h. C'est quoi cette série de concerts? Alors en fait, quand l'album est sorti cet automne, parmi les concerts qu'on devait faire, il y avait un concert à Toulouse qui était à l'Écluse. Il paraît que l'Écluse a fermé. Grande tradition toulousaine, on laisse les salles s'ouvrir pour les fermer 6 mois plus tard. Et voilà, donc bon, malheureusement, nous, on est un dommage collatéral de cette triste histoire. Il y a des gens qui sont vraiment plus embêtés que nous, mais toujours est-il que nous, on n'a pas fait ce concert de sortie à Toulouse. Et voilà, donc en parlant un peu avec l'équipe et puis les gens qui s'occupent de faire la promotion de l'album, on s'est dit que c'était quand même une bonne idée d'organiser quelque chose. Voilà, ça nous permet de pouvoir venir te voir et parler de la musique aussi. Et donc ça se fait au Taquin. Loris, il a eu la gentillesse de nous Loris proposer. Loris Perondi, un des patrons du Taquin. Et c'était pas possible, la programmation était déjà faite, bien sûr. Donc la solution qu'on a trouvée, c'était de faire une petite jauge, voilà, et d'inviter quelques professionnels, puis de faire gagner quelques places, que ce soit un peu un événement. Un événement à la fois intimiste, mais bon, ça va être festif aussi. Et l'autre intérêt qu'on a aussi, c'est que nous, on est reparti sur une phase de création. Pour tout te dire, on est parti sur une nouvelle formule, sur de nouveaux morceaux, sur un nouveau son, sur un nouvel album. Donc ça nous permet aussi, avant d'attaquer la tournée qui démarre en juin, ça nous permet de roder un peu d'essuyer le plâtre, de faire découvrir et de montrer ça aux gens, d'avoir des retours qu'on espère positifs. Voilà, donc ça se passe au Taquin. Oui, peut-être dernière question. J'ai cru comprendre que l'équipe de l'album donc, qui est sorti cet automne, Falikadi, l'équipe avait un peu changé. Notamment, par exemple, Gaëlle Blanchard, qui était la chanteuse de la formation, n'est plus dans la formation actuelle. Et il y a d'autres musiciens qui ont changé ? On a changé en fait parce que principalement ça a été super de travailler sur Falikadi et la musique elle a vachement évolué sur cet album. Si tu regardes les deux albums d'avant, on a vraiment fait un travail, notamment ce que Gaël nous a amené dans sa manière de penser le chant, sa manière de penser les mélodies. Ça a vraiment été quelque chose de nouveau et de fort et on va garder ça. Après, la sensation qu'on a eue c'était qu'on avait besoin d'avoir une ligne de devant africaine. Ouais. Et que cette connexion en fait, cette connexion africaine, on a fait le test mais elle manque en fait, elle manque sur scène. Donc on repart dans cette direction là et après on retravaille aussi avec le Martin, je te disais, qui m'a amené moi dans le groupe, qui était parti habiter en Côte d'Ivoire et qui est saxophoniste mais qui est aussi producteur de musique électronique, spécialisé à la musique africaine, la musique du Nigeria. Donc on retravaille aussi avec Martin. Et voilà. Et donc, nouvelle formation que l'on pourra donc voir au Taquin ce lundi. Ça se passera à partir de 19h. Je vous le rappelle, il y a des places à gagner ce soir au 09 53 83 76 09. Les 4 premiers gagnent les places donc pour ce concert qui ne sera qu'un concert sur invitation. Pas la peine d'aller là-bas si vous n'avez pas d'invitation. On ne vous laissera pas rentrer. Canazoé Orchestra, donc, qui commence à tourner leur nouveau set. On va écouter tout de suite un morceau de leur précédent album dont sorti à l'automne 2022. Sidou Diabaté, merci d'être passé nous voir ce soir. Madou Bembella, pareil. Merci. Laurent Planès, à très bientôt. Merci sans à doute. Merci. Et donc Canazoé Orchestra, Falikadi, tout de suite dans Caramel Mou, et lundi au Taquin à 19h. Véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul, ça m'intéresse pas du tout de t'enfler avec ce chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel! Bouh! Les nuits du slam, les nuits du slam, rendez-vous incontournable depuis une petite quinzaine d'années, et depuis une petite quinzaine d'années, chaque année à la même période, la scène slam vient squatter le studio de Caramel Mou, et une fois de plus, eh bien, ils sont trois autour de la table, la quatrième étant Élise Délestré de l'association Contre-Courant qui organise à Toulouse cette manifestation, qui est une manifestation nationale, dont les nuits du slam, ça commence dans la région ce soir à Castelnau d'Urban dans l'Ariège avec une scène ouverte à partir de 19h suivie d'un concert de Zedrine. Ça continue demain à Marciac à la Peignac, là aussi avec une scène ouverte et un concert de Lévian, une chorale. Et puis ça arrive ensuite à Toulouse et donc du 11 mars au 1er avril un certain nombre de manifestations, de stages de création Avec un accent cette année porté sur le public sourd et malentendant, mais également il y aura des scènes ouvertes de slam et de spoken word, il y aura des restitutions de stages et puis également des concerts. J'ai l'impression, Élise Delestré, que l'optique de ce festival a un tout petit peu bougé cette année. Il y a sans doute plus d'événements qui se passent en dehors de Toulouse sur un peu plus de temps et peut-être un peu plus consacré à tout ce qui est animation sur essayer de porter le slam au plus profond de la population avec des stages d'initiation, de création, de voir comment on écrit et comment on dit un texte sur scène. C'est vrai que cette année, l'accent allait d'être plus porté là-dessus que sur des formes qu'on a pu voir il y a 2-3 ans. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé le projet et on a voulu effectivement faire moins, donc du coup, on a fait plus. Donc on a rajouté des stages de création, on a rajouté des dates, on a rajouté des ateliers. Et par ailleurs, il se trouve qu'il y a eu un petit événement qui a fait que les salles de spectacle, qui a duré 3 ans à peu près, où les salles de spectacle ont été fermées, tout ça. Ça commence par un C, ça finit par 19. Ouais, voilà, c'est ça, où on avait des masques et tout. Donc ça, forcément, ça a limité notre façon de travailler. On travaille avec des collectifs, ce qu'on appelle les collectifs locaux, donc c'est-à-dire des artistes et des salles de spectacle qui sont dans chaque ville ou dans chaque département avec lequel on collabore. Et du fait du Covid, en fait, on leur a laissé le choix de réaliser ou pas leur événement pour que chacun puisse gérer ses convictions parce que voilà, on essaye d'être à l'écoute les uns des autres et on pouvait pas, en fait, prendre une décision unanime. Donc du coup, il y a des collectifs, en fait, qui se sont retirés, mais le temps du Covid, le temps que la période passe, et qui, du coup, maintenant qu'il n'y a plus de passe sanitaire, etc., reviennent. Donc c'est pour ça que du coup il y a plus de densité en fait cette année que depuis ces dernières années, parce qu'on continue notre travail en fait de développement sur le territoire et ça marche. Les gens sont contents et il y a plus de passe sanitaire, ça aide. Avec la contrepartie de peut-être moins de j'allais dire d'affiches de la scène slam ou de la scène rap qui viennent pendant ces festivals. Cette année il y a Rossé, mais je pense que c'est le seul sur cette édition 2023 à Toulouse. Non, en fait on était plus attentifs aussi cette année à conjuguer un plateau national, un plateau régional, un plateau féminin, un plateau masculin, enfin tu vois, en mixité. Et Léon, qui va faire un texte après, a joué au Mandingarde la semaine dernière, puisque notre festival a démarré en fait le 16 février à Albi, avec Facteur Zèbre, qui est un groupe de poésie un peu punk, spoken un peu punk. En suivant, on a fait de la chanson urbaine, slam, chanson urbaine. En suivant, donc le week-end dernier, on a eu Léon et Europe qui ont fait du rap. Donc en fait, on est toujours sur ce mélange. C'est juste qu'on ouvre un petit peu plus et de plus en plus, c'est ce que l'équipe a décidé collectivement, sur un travail plus horizontal. Avant, on était sur une programmation très slam. Et maintenant, on est plutôt sur une programmation autour de la poésie, de la poésie performée et mise en musique. Donc du coup, vachement plus horizontalisé, avec la possibilité de laisser rentrer du chant, enfin de la chanson, du rap, et du coup un truc plus sur les cultures urbaines. Techniquement, différence entre slam et spoken word ? La musique, c'est tout. Simplement. Ouais. Spoken word, il y a de la musique. Moi, je vais le dire parce qu'on a des paroles d'antenne, on a de l'antenne, donc je le dis. Le slam, on ne sait pas ce que c'est, c'est une tribune, mais c'est surtout pas Grand Corps Malade. Ouais. Et c'est surtout pas un sous-genre du rap. Voilà, il faut le dire. Et il faut l'expliquer aux gens parce qu'on galère encore avec ça. Ça a fait de la pub, hein, Grand Corps Malade, Abdelmalik. Ça a fait beaucoup de pub, mais ça ne se limite pas à ça. Et le slam, c'est sans musique, surtout. Voilà, ce que disait Seb Seb régulièrement dans cette émission, chaque année, le slam, c'est un mec seul ou une fille, seul ou seule sur scène, qui dit et qui lit un texte. De sa propre écriture, de sa propre composition. Le reste est accessoire. Ouais. Voilà, ce qu'il n'y a pas forcément dans la spoken word. Donc nous avons trois manières de mots autour de la table, certains slam, d'autres rap. Ils me diront un peu eux aussi la différence qu'ils voient dans leurs différentes techniques. On va peut-être commencer par Léon, qui est une jeune rappeuse. Alors pourquoi rappeuse et pas slameuse ? Je fais beaucoup plus de sons avec des instrus derrière qu'autre chose, et je me lâche plus en jam avec des musiciens aussi que que en scène slam, mais en fait c'est deux choses différentes. Mais ça dépend des périodes. Si je fais beaucoup de jam, ben hop, je vais au slam. Si j'ai envie de poser les choses, si j'écris des textes qui rentrent pas dans quelque chose de production musicale, ou alors je prends un texte musical et je lui donne de l'air en allant sur la scène slam. Donc là, vous allez nous dire un texte, mais avant de vous écouter, les instrus, c'est vous qui les faites ou il y a une équipe qui travaille avec vous ? J'en ai fait une que je joue en concert. J'en ai fait quelques-unes avant d'en faire une en concert. Et sinon, il y a différentes personnes. Ouais. Je travaille avec un beatmaker par-ci, une beatmaker par-là. La réalité de la scène rap à Toulouse, c'est quoi ? Difficile, bah actuellement, pas difficile, il y a plus de scène slam et de jam que d'open mic, je pense déjà, pour aller partager les textes, pour aller partager le rap. Alors qu'il y a eu des époques plus vives par rapport à ça. Plus facile. Ouais, mais et après, bah, pour vendre la musique, c'est pas évident, mais ça dépend les stratégies, les circuits. Je pense que le rap hip-hop ou le rap comme moi je le pratique, c'est une niche. Donc voilà, c'est bah, quand vous dites c'est une niche, vous le pratiquez comment? Bah, au même titre que Grand Corps Malade définit pour la plupart des gens ce qui est le slam, alors que pas pour nous. Et ben les Jules et compagnie, pareil, cadrent un peu l'univers du rap pour le grand public, alors que ça révèle absolument pas la réalité de ce qui existe. Voilà. Et de la diversité, ouais, voilà. Ou ça en est une autre. Ou ça en est une autre. Mais en tout cas, effectivement, il y a beaucoup d'autres types de propositions qui ont moins de place, en fait, entre guillemets, à cause de ça. Quoi. Ouais. Don Léon, on va peut-être vous écouter. Élise disait tout à l'heure que la semaine dernière, vous étiez au Mandinga. Donc, je pense qu'on vous entendra plus sur ce festival-ci. Non, sauf si je viens à des scènes ouvertes. Eh bien, c'est fait ça aussi pour ça, une scène ouverte. En tout cas, Léon, on l'écoute tout de suite dans Caramel Mou, dont dans le cadre de ces nuits du slam qui continuent à partir de demain à Toulouse. On vous écoute, Léon. Mirando la ventana otra vez. Qu'est-ce que je fous là, je bouge mes fesses. Retrouve mes sauces en voile sans besoin d'air d'elle pour se mettre à l'aise. Unos son fanáticos de otras que se llamen ese humarillo soy no ta dicta. Este tema es fruta del amor, me enteré del beat y parilla. Doy la vuelta al mundo escuchando saxo. Me guina más que las mejores partidas de sexo. Enamorada de ella, de Toulouse a Marsella y más allá, sé que tengo silla donde vaya. Morte mille fois, elle renaît avec plus de foi. Des profondeurs de ma solitude transformant l'arme rictus. Provoque des érections quand je vogue sans saveur. Me donne l'intuition. Elle m'a piqué d'art, magicienne, d'os, et ma bulle d'air, ben ouais. La merde a des reflets d'or. C'est ma couverture de survie. Elle me remplit quand je suis vide. Dalle, je m'arrêterai que quand je serai die. Dame d'amour pur, elle fait valser les coups durs. C'est le bouclier qui nique l'armure. Elle est ma muse, elle est ma cure. Tu danses. Vers toi, mes yeux sont fixés. Tu danses. La nuit vient nous chercher. La fin, ce n'est pas de moi. C'est de Thomas Lama. Dédicace à lui et Léo Chili. Merci beaucoup. Voilà, Léon, une jeune rappeuse toulousaine. Si on veut vous voir prochainement, on vient vous voir où ? Ce soir. Très bien, donnez-moi l'adresse. À la MJC Ampalo. Ampalo. À la MJC Ampalo, aka Brique Rouge. Le centre rue culturel. Mariam Mambiola, oui. Peut-être. Non, mais le centre culturel d'Ampalo. Voilà, Brique Rouge, c'est ça. À quelle heure ? Métro Ampalo. À 20h30. À 20h30, on vous voit là-bas. Il y a le court-métrage Les Splendides de Meriem Bayar Fawi, dans lequel on apparaît avec la rappeuse Zeta. Mm. Et ensuite, du coup, on enchaîne avec mon concert. Donc, c'est Léon Lia en entier, puis le concert de la rappeuse Zeta. Et voilà, discussion sur le film, petite collation, tout ça. Bon voilà, de quoi entamer joliment le week-end, dont Léon Lia, ce soir à la Brique Rouge, à 20h30. Prix libre. Prix libre, mais nécessaire. On continue avec ce tour de table, à Benzen. Donc là, plutôt slammer. Oui, tout à fait. On vous voit quand dans les nuits du slam? Il fait partie du collectif, en fait, du Magret d'Argent. Et du coup, il intervient. Parce que là, je vois sa tête de « Ah merde, je suis pas bien, je voulais faire un texte. » Ah mais si, il va le faire. Il va le faire, ouais. Mais du coup, là, tu l'as un peu coupé. Tu l'as un peu interloqué. Et en fait, il est avec nous tous les jours dans le collectif. Et il anime des scènes, que ce soit du Magret d'Argent, que ce soit de Contre-Courant dans le cadre des Nuits du Slam. Et du coup, on l'entend aussi sur scène avec grand plaisir. Puisque c'est une des principales associations, structure, le Magret d'Argent, qui continue à animer la scène slam à Toulouse, beaucoup à l'itinéraire Herbis ces derniers temps. Abetsen, on va peut-être vous écouter tout de suite, je ne voudrais pas vous perturber davantage. Pas de souci. On m'a toujours dit que chaque nuit, on fait un nouveau rêve. Mais moi, je fais toujours le même. Je rêve d'un grand crapaud gris, multicolore, avec une barbe deux fois plus vieille que lui. Il me regarde et me quitte pas des yeux. Moi, je suis là, peinard, dans mon lit, en train de dormir. Et je rêve que je suis là, dans mon lit, et que j'arrive pas à dormir. Et peu importe où je porte mon regard, celui du grand crapaud se pose sur le mien. Du coup, j'arrive pas à dormir. Mais comme je suis somnambule, je me dis que si je m'endors dans mon propre rêve, la situation risque d'être un peu trop confuse. Alors j'essaie de faire pause, mais je trouve pas la télécommande. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a jamais de télécommande dans les rêves. Hein. Comme par hasard. Et ça, c'est un truc qui fait rire le crapaud. Je lui dis que quand même, il a une drôle de tête pour un chien. Qu'il aboyait très très mal. Et qu'il ferait bien de mettre un slip. On était dans un parc, il pouvait y avoir des gens. Il me dit que bien qu'il rêve souvent de moi, il ne sait pas parler. Mais quand il pense, il y a des mots qui sortent de sa bouche. Et quand la parole prend forme, elle s'envole. Parfois, elle retombe en poussière. Parfois, elle fait le tour du monde. Elle reprend son souffle dans la bouche des gens et poursuit sa route aussi loin que les hommes prononcent les mots. Il arrive aussi que la parole parle d'elle-même. C'est la parole à suivre. C'est celle qui hante la pensée des hommes à tel point que certains hommes fourbes falsifient la parole à suivre pour mettre les autres dans leur poche. Leurs poches ne sont jamais assez grandes. Alors les autres s'entassent et s'étouffent, et il y en a qui font des trous pour s'échapper, pour respirer un peu d'air libre. Et c'est en cultivant l'air libre qu'ils respirent, qu'ils espèrent le devenir. Bon, comme il ne savait pas parler, j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Je voyais pas où il voulait en venir. Et le vent s'est levé, et il s'est mis debout sur ses jambes, sur toutes ses jambes, une infinité de jambes, peut-être même deux. Le ciel a commencé à s'émouvoir, et il a commencé à pleuvoir. Les gouttes d'eau qui n'avaient pas de parachute s'écrasaient la gueule au sol. Lorsque les perles d'eau touchaient terre, j'entendais des mots d'une langue étrangère. Et soudain, des centaines, des milliers de gens, ils sont tous mis à crier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait comme eux. Et ils me regardent comme si ce que je faisais n'était pas normal. Ils chuchotent chacun dans la barbe de l'autre et peu importe ce que je disais pour me justifier, ils ne m'écoutaient pas. Comme s'ils n'entendaient que leur propre voix, leur propre écho, leur propre égo. Peu importe mes questions, dans sa petite cabane de bois, le crapaud ne m'a jamais répondu. Il m'a juste dit qu'il n'était pas un crapaud, mais un chien, que j'aboyais très très mal, et que je ferais bien de mettre un slip. On était dans un parc et il pouvait y avoir des gens. Texte plutôt surréaliste, ça me faisait penser à Magritte qui pouvait écrire sur un tableau ou qui figurait une pipe. Ceci n'est pas une pipe. C'est une forme de slam un peu particulière, celle que vous faites. J'étais en train de me dire en vous écoutant que ça pourrait être aussi des sketchs surréalistes sur scène. Ouais, j'aime bien mélanger les différents trucs. Ouais. Mm-hmm. Effectivement, c'est une idée que j'ai dans le coin de la tête d'en faire un truc. Plus long format que le slam. Ouais. Et on va finir ce tour de table parce qu'on est pressé et je voudrais quand même que vous ayez l'occasion d'entendre les trois slameurs et rappeurs qui sont passés ce soir dans cette émission avec Louz. Donc là aussi, vous faites partie de l'équipe de Contre-Courant. Je pense que Élise me fera la même réponse que tout à l'heure. Ouais, non, je peux la faire parce que je savais que tu allais poser la question, alors j'étais prête, tu vois. Moi, je fais partie de l'école du Magret d'Argent et de Contre-Courant. Mmh. Et du coup, je fais partie des gens qui animent pas mal de scènes slam à Toulouse. Mmh. Et parce que j'aime cette tribune libre Et d'ailleurs, voilà, il y en a une. Putain, la pub, je suis pas très bonne à ça. Si vous voulez nous re-entendre tous, toutes, vous venez demain à 20h30 au Merle Moqueur. Il y a une scène ouverte. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait la pub. Ouh, je suis trop forte. Un des lieux où régulièrement on peut écouter du slam avec cette idée de collectif qui est importante sur la scène slam. Bon, il y a des collectifs partout maintenant, jazz, rock, musique improvisée. On voit du collectif partout, mais la scène slam a beaucoup fonctionné sur des collectifs. Bah parce que en fait, les scènes ouvertes, en tout cas à Toulouse et enfin, globalement en France, rapportent pas d'argent. On fait ça, c'est gratuit, ça, on n'est pas payé. Enfin, si on nous offre une bière, quoi. Mais bon, c'est pas, ça fait pas vivre en tout cas. Et on peut pas vivre de bière. Du coup, pas que, non. Pas que, en tout cas, pas longtemps. Et du coup, c'est bien d'être plusieurs pour se motiver, pour tenir les projets. Parce que quand on accueille, je sais pas, 20 personnes, bah, il faut envoyer de l'énergie derrière pour les accueillir un peu bien, un peu correctement, un peu avec bienveillance. Et on est plus fort, quoi, en collectif, c'est sûr. Dans ce collectif à Toulouse, il y a le Magret d'Argent, il y a Contre-Courant qui organise aussi des événements autour du slam. C'est les mêmes personnes qu'il y a dans les deux structures. Bon, ben, très bien. C'est juste qu'il y a une asso qui demande des financements et qui fait de la production et l'autre qui organise des événements. Louz, on vous écoute ? Ouais. Et du coup, je n'étais pas partie pour ce texte-là, mais au vu des invités de juste avant et du texte de Léon, j'aime bien les réponses comme ça. Donc je vais faire un texte, un vieux texte, sur les origines et sur d'où on vient. Avec ma gueule de pamétèque, moi qui le suis pourtant tellement, je ne porte pas en étiquette le métissage de mes parents. J'aimerais vous parler de ces langues qui ont bercé de leur musique mon enfance qui, loin d'être exsangue, est riche du brassage génétique. C'est une ode à nos grands-parents, à ceux qui sont nés loin d'ici, ce n'est hors sol ou de barans se sentant français accompli. Pour moi, c'est juste un peu l'inverse. J'ai une belle carte d'identité, mais tout le sang qui me traverse se sent d'ailleurs du monde entier. Il me voulait forte à l'école, bonne élève, bien intégrée. J'avais des rêves qui caracolent et leur rêve de parler français. Chez eux, c'était tout autre chose. Cachou, cachou, fais attention. Gauchoki pour que je me pose au coin du feu, bien sagement. Ailleurs et tous les mercredis, j'entendais des mots en patois. Mini carotte, mini Lucie, s'il te plaît, mange et tais-toi. Tous les mots doux, mots de tendresse. Amor, mistofleta, ninou. Ressemblaient à de douces caresses. Potiolo, maite, mouchou. Et puis il y avait les gros mots, Diobiban, Baskagata, Stiao, qui venaient ponctuer notre argot, Kawendiosh, Putayosh, tiens. Tous ces mots et toutes ces chansons que l'on connaît, c'est qu'en yaourt, on les chantait sans prétention, en essayant qu'elles s'écourtent. Aujourd'hui, quand j'entends l'écho des premières notes de Bounemaï, ou des Goak, ou des Lébro, j'entends leur voix dans mes entrailles. Et je me sens d'ailleurs descendu d'un bateau, là-bas en Argentine, ou en Irlande, là-haut, ou encore Occitane, déchiffrant du Rimbaud, ou bien Basque de cœur résistant à Franco. Quoi que disent nos parents, dans n'importe quelle langue, on grandit un peu seul dans un bateau qui tangue. Les souffrances que l'on porte en nous, ce sont les mêmes, d'où qu'on vienne ou qu'on aille entre amour et haine. Avec ma gueule de pamétèque, moi qui le suis pourtant tellement, j'aimerais être une bibliothèque pour les langues de mes grands-parents. Sur les bouts de papier glacé que j'ai punaisés sur mes murs, leurs visages se sont figés, comme le bonheur que l'on capture. Ils sourient et me font confiance, ou chantent ensemble à plein poumon. Sur celles-là, on les voit qui dansent pendant un soir de réveillon. C'est un peu vain comme tentative d'avoir voulu finalement garder leur image captive, eux qui ne sont plus maintenant. Comment Milady ou une photo pourrait traduire une émotion, faire ressentir un grain de peau, le timbre d'une voix de baryton. Pourtant, sur ces photographies que l'on chérit comme des trésors, il y a ce filtre de nos vies qui vient un peu narguer leur mort. Et dans mes mots et par ma plume, j'aspire à les garder vivants, j'aimerais un hommage posthume et que leur langue vole dans le vent. Avec ma gueule de pamétèque, moi qui le suis pourtant tellement, je viens défendre ces dialectes pour que nos aïeux restent vivants. Effectivement, jolie réponse par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure avec Sédou Diabaté. Je suis désolé, mais on va bientôt se quitter. Les News de Slam, deux mots de plus, Élise, pour raconter un peu cette édition 2023. Effectivement, un site pour aller voir la programmation complète. Non, on l'a plus. Mais par contre, on est super, super à jour sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire ? Nuit du Slam en Occitanie, Facebook, Instagram. D'accord. D'accord. Essentiellement, et sur le site internet de Contre-Courant, et surtout rendez-vous le 18 mars à l'espace Roguet, justement, pour pouvoir profiter de tous ces textes, découvrir diversité de musique, de chants, de textes, avec de la poésie, du rap, et puis rendez-vous... Trois concerts. La traduction en anglais, signe française aussi. Ouais, que Léon a vécu, du coup, la semaine dernière. Effectivement, c'est hyper beau, et ça permet aussi de partager avec le public sourd, qui n'a pas forcément l'occasion d'avoir ce genre de spectacle. Et enfin, 1er avril, au Rex, avec Rossé, en première partie, Mamel Bent. Voilà, mais très bien. Donc, tout ça, c'est les nuits du slam, et puis dans les 15 jours qui suivent, on vous donnera au fur et à mesure la programmation de la semaine. On va bientôt se quitter. Je voudrais quand même annoncer 2-3 concerts aux Ogresses ce soir. Yves chante Léo. Vous aurez compris que c'est un hommage à Léo Ferré. Léo Ferré qui sera également fêté au Bijou à 21h30 avec le trio Orly qui chantera également Léo Ferré. C'est à la mode apparemment en ce moment. Au Ravelin, une soirée punk rock avec 3 groupes, Dievrax, Sagittarius A et Robert Oppenheimer à partir de 20h30. Au Taquin à 21h, je vous l'ai dit tout à l'heure, Inuit qui fête la sortie de son premier EP. À l'impro ce soir, hommage au quintet de jazz moderne et américain Nibody, un véritable melting pot mixant jazz, rock, hip-hop et musique électro. Hommage rendu par un quintet regroupant quelques jeunes cadors de la scène toulousaine. À la Candela ce soir, pop folk en trio, guitare, ukulélé, percussion, voix et beatbox avec Babou Kang et Finest à 16. Et puis vous avez de la pop ce soir au Métronome avec Marie Amali, Alexia Grédy et Marie-Flore, 3 artistes avec des univers complètement différents, mais un point commun, elles chantent toutes en français au Métronome ce soir à partir de 20h. Une soirée house au Rex à partir de minuit pour les couches tard, ça dure de minuit à 5h avec 4 DJ. Et puis Rap aux Connexions ce soir avec Eight Rookie, un jeune rappeur parisien. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit, Léon? Oh, je pense, ouais, j'ai vu l'affiche. Ouais. Ah ouais. Je me suis posé la question. La Eight... concu. Ah ouais. La concu est là. Eh ouais, mais il y a 2 pages de concu. Au Bijou ce soir, donc, Orly chante Léo Ferré. Et puis enfin, au Beers House du jazz avec le trio du batteur Gabriel Delmas. Florent Hortal sera à la guitare et Nicolas Blanco au clavier. Allez, voilà. Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, vous retrouvez donc notre bon professeur Thibault qui anime ce soir dans le cadre de Radiophonie, ces émissions campusiennes en direct du Centre culturel Bellegarde, émission en public, une table ronde autour de la question essentielle: faut-il enseigner le cinéma? Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas fini. Débat qui sera suivi d'un concert rock avec les filles de My Imaginary Loves. Est-ce qu'on a le temps, Valentin, d'écouter My Imaginary Love ou il faut passer tout de suite l'antenne? Donc on passe tout de suite l'antenne. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, autour de cette table. On retrouvera Sten et Chardon, un duo plutôt humoristique. Et il y aura peut-être également les musiciennes de Minimal Orchestra. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les filles. Caramel. Te raconter, c'est la couleur de mes chaussures. je suis la reine du rez-de-chaussée. J'écoute la musique, je connais par cœur toutes les chansons.